بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. À l'exception de ceux qui croient et font le bien, ceux-là recevront une récompense qui jamais ne s'interrompra. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge ? Dieu n'est-il pas le plus juste des juges ?